Section 15 de Les Natchez par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Deuxième partie, suite. Des Yazous, qui se trouvaient au fort Rosalie, étaient prêts à se rendre à la Nouvelle-Orléans. D'Artaguette proposa à sa sœur adoptive de la confier à ses sauvages. Elle accepta avec joie la proposition. Le capitaine lui donna un billet pour le général d'Artaguette et un autre pour Harley. Il recommandait le couple infortuné à son frère et à son ami. Chelouta s'embarqua sur les pirogues qui déployèrent au souffle du nord leurs voiles de joncs et de plumes. La flottille des Yazous toucha la Nouvelle-Orléans le jour même où le frère d'Amélie avait comparu devant le conseil. Chelouta ne put descendre à terre que le soir. Pour comble de malheur, elle avait perdu les billets du capitaine. La nièce d'Adario savait à peine quelques mots de français. Elle pria le chef indien, qui venait souvent à la Nouvelle-Orléans, échanger des pelleteries contre des armes, de s'informer du sort de René. Le sauvage n'alla pas loin sans apprendre ce que Chelouta désirait connaître. Il sut que le fils adoptif de Chactas était enfermé dans la hutte du sang, la prison, note de l'auteur, et qu'on lui devait casser la tête. Tel était le bruit populaire. La fille de Tabamika, au lieu d'être abattue par ce récit, sentit son âme s'élever. Celle qui, timide et réservée, rougissait à la seule vue d'un étranger, se trouva tout à coup le courage d'affronter une ville remplie d'hommes blancs. Elle demanda au chef sauvage s'il savait où était la hutte du sang et s'il y pourrait conduire. Sur la réponse affirmative du chef, Chelouta, portant Amélie à son sein, suivit son guide. La nuit était déjà avancée et la pluie commençait à tomber lorsqu'ils arrivèrent au noir édifice. Le Yazou, le montrant de la main à la femme Natchez, lui dit « Voilà ce que tu cherches ». Et la quittant, il retourna à ses pirogues. Resté seul dans la rue, Chelouta contemplait les hauts murs de la prison, ses tourelles, ses doubles portes, ses guichets surbaissés, ses fenêtres étroites, défendues par des grilles. Demeure formidable qui avait déjà l'air antique de la douleur sur cette terre nouvelle, dans une colonie d'un jour. Les Européens n'avaient point encore de tombeaux en Amérique qu'ils y avaient déjà des cachots. C'étaient les seuls monuments du passé pour cette société sans aïeux et sans souvenirs. Consterné à la vue de cette bastille, Chelouta demeura d'abord immobile, puis frappa doucement à une porte. Le soldat de garde contraignit l'Indienne à se retirer. Elle fit le tour de la prison par des rues de plus en plus désertes. Le ciel continuant à se charger de nuages et les roulements de la foudre se multipliant, l'infortunée s'assit sur la borne où René l'aperçut du haut de la tour. Elle mit sa fille sur ses genoux, se pencha sur elle pour la garantir de la pluie et la réchauffer contre son cœur. Un violent coup de tonnerre ayant fait lever les yeux à Chelouta, elle fut frappée d'un rayon de lumière qui s'échappait à travers une fenêtre grillée. Par un instinct secret, elle ne cessa plus de regarder cette lumière qui éclairait l'objet d'un si tendre et si fidèle amour. Plusieurs fois, Chelouta appela René. Les vents emportèrent ses cris. Ce fut alors qu'elle commença à chanter de longues chansons, dont l'air triste et les paroles plaintives lui servirent à la fois à se faire entendre de son mari et à endormir son enfant. Cette pauvre jeune mère, après avoir été reconnue du frère d'Amélie, s'était retirée pour lui obéir. Elle languissait à quelque distance. Ses membres étaient engourdis. Le froid et la pluie avaient pénétré jusqu'à sa fille qui se glaçait au sein maternel. Chelouta promenait des regards tristes sur ces déserts habités où pas une cabane ne s'ouvrait à ses misères, quand elle découvrit auprès d'elle une petite lueur qui semblait sortir de terre. Une trappe se leva. Une femme âgée mit la tête au soupirail pour voir si l'orage commençait à s'éloigner. Cette vieille aperçut Chelouta. « Oh, pauvre indienne » s'écria-t-elle, « descends vite ici !» Elle acheva d'ouvrir la trappe et, avançant une main ridée, elle aida l'épouse de René à descendre dans le caveau, dont elle referma l'entrée. Il n'y avait dans cette espèce de souterrain qu'un lit recouvert d'un lambeau de laine. Une serge grossière, clouée à une poutre, servait de rideau à cette couche. Deux morceaux de bois vert, dans le milieu d'un large foyer, jetaient sans se consumer de grosses fumées. Une lampe de fer suspendue à un crochet brûlait dans le coin noirci de ce foyer. Une escabelle était placée devant un rouet dont la fusée de coton annonçait le travail de la maîtresse de ce réduit. La vieille femme jeta dans le feu quelques copeaux et prenant son escabelle, elle en voulut faire les honneurs à Chelouta. Femme chef de la cabane profonde, dit l'Indienne, tu es une matrone, tu dois être la lumière du conseil des guerriers blancs, si j'en juge par ton hospitalité. À toi appartient la natte, moi je ne suis encore qu'une jeune mère. En disant cela, Tchelouta s'assit sur la pierre du foyer, débarrassa sa fille de ses langes trempées d'eau et la présenta à la flamme. « Bon, voici un enfant à présent, » s'écrit la vieille dans la langue de la sœur d'Outougamise. « Tu es Natchez ? J'ai été longtemps au Natchez. Mais, pauvre chétive créature, comme tu es mouillée, que tu as l'air malade, et puis voilà un enfant. » Tchelouta fondit en larmes en entendant des paroles si affectueuses prononcées dans la langue de son pays. Elle se jeta au cou de la matrone. « Attends, attends, » dit celle-ci. Elle courut en trébuchant à son lit, en arracha la couverture qu'elle vint chauffer au feu, dépouilla malgré elle Tchelouta d'une partie de ses vêtements et l'enveloppa avec le nourrisson dans la couverture brûlante. « Vénérable femme blanche, aussi bonne que la femme noire du fort, » disait Tchelouta, « je suis bien malheureuse de ne t'avoir pas reçue dans ma cabane, au Natchez. » La femme blanche n'écoutait pas. Elle préparait du lait dans une calebasse. Elle l'offrit à l'Indienne, qui fut obligée d'y porter ses lèvres, afin de ne pas déplaire à son hôtesse. La vieille prit alors la petite Amélie et la déposa dans son tablier. Chantant d'une voix cassée, elle faisait danser devant la flamme l'enfant qui souriait. Tchelouta regardait ses jeux avec des yeux de mère, tandis que toutes ses pensées se reportaient vers son mari. « Jacques était tout comme cela quand il était petit, » dit la vieille. « Bon enfant, ne pleurant jamais. » Il avait seulement les cheveux plus noirs que ceux de cette mignonne. « Quel était ce Jacques, ma mère ?» dit Tchelouta. « Comment ?» reprit la vieille femme avec vivacité. « Jacques, mon fils, tout le monde le connaît, un des plus beaux grenadiers qui soit dans les troupes du roi, et un des plus vaillants aussi, le brave garçon. C'est lui qui me nourrit. Sans lui, je ne pourrais pas vivre, car je suis trop vieille pour travailler. Je suis bien fâchée de n'avoir pas la dernière lettre que mon fils m'écrivait. Je te la lirai. » Si le capitaine d'Artaguette savait ce que Jacques dit de lui, il serait bien fier. Ils ont été ensemble, Jacques et le capitaine, chercher un gentilhomme appelé René, dans une grande caverne. Tchelouta interrompit cette effusion de la tendresse et de l'orgueil maternel en jetant de nouveau ses beaux bras autour de son hôtesse. « Grand esprit, » s'écria-t-elle en sanglotant, « tu es la mère de ce pauvre guerrier compagnon de mon frère d'Artaguette. C'est la mère de ce guerrier qui me reçoit dans sa cabane. Qu'as-tu ? » demanda la vieille. « Ce que j'ai, » dit Tchelouta, « ne suis-je pas la femme de René ?»« Comment ?» s'écria à son tour la mère de Jacques. « Tu serais cette Tchelouta qui a sauvé le capitaine, et à cause de cela, ils veulent tuer ton mari. » Le coup frappa Tchelouta au cœur, elle s'évanouit. Ayant bientôt repris ses sens par les soins de sa charitable hôtesse, elle lui dit, « Femme blanche, voilà le jour, laisse-moi retourner à la hutte du sang, je veux rejoindre mon mari. » La vieille trouva que c'était juste. Elle couvrit sa tête d'une petite cornette blanche et ses épaules d'un petit mantelet rouge. Elle prit sa béquille dans sa main et se prépara à conduire l'Indienne à la prison. « Je ne puis te blâmer, » disait-elle à Tchelouta. « Si Jacques fait quelque chose de bien et qu'il soit envoyé aux galères, j'irai aussi avec lui. » Tchelouta, vêtue de nouveau de sa tunique indienne, ayant enveloppé sa fille dans les peaux séchées, monta les degrés perpendiculaires qui conduisaient à la trappe. La vieille la suivit avec peine. Quand elles se trouvèrent dans la rue, l'orage était dissipé. Le soleil, émergeant d'une nuit sombre, éclairait le fleuve, les campagnes et la ville, de même que sortirent de leur demeure ténébreuse les deux merveilles de l'amour conjugal et de l'amour maternel. « Nous touchons à la prison, » dit la mère de Jacques. « On ne t'en ouvrira pas la porte, et tu ne pourras pas parler à René. Si tu m'en crois, nous irons plutôt chez le gouverneur. » Tchelouta se laissa conduire par sa vénérable hôtesse. Elles se mirent en route. Chemin faisant, elles entendirent un bruit confus de cloches et de musique. La vieille se signa pour l'agonie que sonnait la cloche et s'avança vers le palais du gouvernement où la musique annonçait une fête. En réjouissance du mariage prochain d'Adélaïde avec le défenseur de René, un bal avait été donné malgré le procès du frère d'Amélie et l'orage de la nuit. Il était dans le caractère du gouverneur de ne rien changer aux choses préparées, quels que fussent les événements. Le bal durait encore lorsque le jour parut, la mère de Jacques et Tchelouta entrèrent dans les premières cours du palais. Les esclaves blancs et noirs qui attendaient leur maître s'attroupèrent autour des étrangères. Les éclats de rire et les insultes furent prodigués à l'infortune et à la jeunesse qui se présentait sous la protection de la vieillesse et de l'indigence. « Si Jacques était ici, disait la vieille, comme il vous obligerait à me faire place. » Les deux femmes pénétrèrent avec peine jusqu'aux soldats de garde aux portes. Ils reconnurent la mère de leur camarade et la laissèrent passer. Plus loin, elle fut arrêtée de nouveau par le concierge. La fête finissait. On commençait à sortir du palais. Adélaïde se montra à une fenêtre avec Harlet. Le couple généreux parlait avec vivacité et semblait oublier la fête. En jetant les yeux dans la cour, il aperçut les étrangères repoussées par le concierge. Le vêtement indien frappa Adélaïde, qui fit signe à la vieille de s'approcher sous le balcon. « Ma jeune dame, dit la mère de Jacques, c'est la femme de René qui veut parler à votre père, et l'on ne nous veut pas laisser entrer. » « La femme du prisonnier, s'écria Adélaïde, cette jeune sauvage qui a sauvé le capitaine d'Artaguet. » Adélaïde, obéissant au mouvement de son bon cœur, ouvre les portes et, dans toute la parure du bal d'un brillant hyménée, se précipite au-devant de la malheureuse Tchelouta. L'Indienne lui présentait sa fille et lui disait « Jeune femme blanche, le grand esprit vous bénira. Vous aurez un petit guerrier qui sera plus heureux que ma fille. » « Que je suis fâchée de ne pas la comprendre, disait Adélaïde. Je n'ai jamais entendu une plus douce voix. » Dans la pompe de ses adversités, Tchelouta paraissait d'une beauté divine. Son front pâli était ombragé de ses cheveux noirs. Ses grands yeux exprimaient l'amour et la mélancolie. Son enfant, qu'elle portait avec grâce sur son sein, montrait son visage riant auprès du visage attristé de sa mère. Le malheur, l'innocence et la vertu ne se sont jamais prêtés tant de charme. Tant qu'on se pressait autour de Tchelouta, on entendit au dehors prononcer ces mots dans la foule. « Vous ne passerez pas !» Une voix d'homme répondait à des menaces, mais dans une langue inconnue. Le mouvement s'accroît. Un sauvage, défendant une femme, se débat au milieu des soldats, et poussé et repoussé, arrive jusqu'à la porte du palais. Il disait, les yeux étincelants, « Je suis venu chercher mon ami, par l'ordre de ce Manitou. » Il montrait une chaîne d'or. « Je ne veux faire de mal à personne. Mais est-il ici un guerrier qui m'ose empêcher de passer ?»« Mon frère !» s'écria Tchelouta. « Oh, bien !» dit Mila. « Outougamis, voici ta sœur !» La mère de Jacques expliquait ce colloque à Adélaïde, qui fit entrer tous ses sauvages dans le palais. « Bon Manitou !» disait Mila en embrassant son amie. « Que je hais ces chairs blanches !»« Nous avons frappé à leur cabane pour demander l'hospitalité, et on nous a presque battus, et puis de grandes huttes si larges, si vilaines, des guerriers si sauvages !»« Tu parles trop !» dit Outougamis. « Cherchons Onontio, le gouverneur, note de l'auteur. Il faut qu'il me rende, mon ami, à l'instant. » Outougamis quitte Tchelouta et, suivi de Mila, fend la presse à travers les salles. Les spectateurs regardaient avec surprise ce couple singulier qui, occupé d'un sentiment unique, n'avait pas l'air d'être plus étonné au milieu de ce monde nouveau que s'il eût été dans ses bois. « Ne me déclarez pas la guerre, disait Outougamis en avançant toujours. Vous vous en repentiriez. » Faisant tourner son casse-tête, il ouvrait à Mila un large chemin. La confusion devient générale, la musique se tait, le bal cesse, les femmes fuient, le roulement des carrosses qui veulent s'éloigner, le bruit du tambour qui rappelle les soldats, la voix des officiers qui font prendre les armes, ajoutent au sentiment de terreur et augmentent le désordre. Adélaïde, la mère de Jacques, Tchelouta, Mila, Outougamis, sont emportés et séparés par la foule. Le gouverneur montra un grand ressentiment de cette scène. Le conseil de guerre s'était assemblé afin de prononcer l'arrêt qui devait être lu à René dans la prison. Les charges examinées de nouveau ne parurent pas suffisantes pour motiver la peine de mort. Mais le frère d'Amélie fut condamné à être transporté en France comme perturbateur du repos de la colonie. Un vaisseau du roi devait mettre à la voile dans quelques heures. Le gouverneur, irrité du bruit dont René avait été l'objet, ordonna d'exécuter sur-le-champ la sentence et de transporter le prisonnier à bord de la frégate. René connut presque à la fois le jugement qui le condamnait à sortir de la Louisiane et l'ordre de l'exécution immédiate de ce jugement. Il se serait réjoui de mourir, il fut consterné d'être banni. Renvoyé en France, le frère d'Amélie s'était le reporté à la source de ses maux. Cet homme, étranger sur ce globe, cherchait en vain un coin de terre où il pût reposer sa tête. Partout où il s'était montré, il avait créé des misères. Que retrouverait-il en Europe? une femme malheureuse. Que laisserait-il en Amérique, une femme malheureuse ? Dans le monde et dans le désert, son passage avait été marqué par des souffrances. La fatalité qui s'attachait à ses pas le repoussait des deux hémisphères. Il ne pouvait aborder à un rivage qu'il n'y soulevât des tempêtes. Sans patrie, entre deux patries, à cette âme isolée, immense, orageuse, il ne restait d'abri que l'océan. En vain, René demanda à ne pas subir le supplice de l'existence. En vain, il sollicita la commutation de la peine de vivre en un miséricordieux arrêt de mort. On ne l'écouta point. Il désira parler à Tchelouta. On n'admit pas que cette indienne fût sa femme légitime. On lui refusa toute communication avec elle, pour abréger des scènes qui troublaient, disait-on, la tranquillité publique. L'arrivée d'une troupe d'Yazou, suivie de celle d'Outougamiz, avait donné lieu à mille bruits. On prétendait que des sauvages s'étaient introduits en grand nombre dans la ville avec le dessein de délivrer leur chef, le guerrier blanc. Ces bruits parurent assez inquiétants au gouverneur pour qu'il fît border d'infanterie et de cavalerie la route que René devait suivre en se rendant de la prison au fleuve. Le palais du gouvernement n'était pas loin de la prison. Tchelouta, suivant le cours de la foule, se retrouva bientôt devant le sombre édifice dont le souvenir était trop bien gravé dans sa mémoire. Là, le torrent populaire s'était élargi et arrêté. Tchelouta ignorait ce qui se passait, mais, en voyant cette multitude autour de la hutte du sang, elle comprit qu'un nouveau désastre menaçait la tête de René. Repoussée d'un peuple ennemi de sauvages, elle ne trouva de pitié que chez les soldats. Ils la laissèrent entrer dans leurs rangs. Les mains armées sont presque toujours généreuses. Rien n'est plus ami de l'infortune que la gloire. 2 heures s'étaient écoulées de cette sorte lorsqu'un mouvement général annonça la translation du prisonnier. Un piquet de dragons, le sabre nu, sort de la cour intérieure de la prison. Il est suivi d'un détachement d'infanterie, et derrière ce détachement, entre d'autres soldats, marche le frère d'Amélie. Tchelouta s'élance et tombe aux pieds de son mari avec son enfant. René se penche sur elle, les bénit de nouveau, mais la voix lui manque pour dire un dernier adieu à la fille et à la mère. Le cortège s'arrête, les larmes coulent des yeux des soldats. Tchelouta se relève, entoure René de ses bras et s'écrie « Où menez-vous ce guerrier? Pourquoi m'empêcheriez-vous de le suivre? Son pays n'est-il pas le mien ?»« Ma Tchelouta, disait René, retourne dans tes forêts, va embellir de ta vertu quelque solitude que les Européens n'aient point souillée. Laisse-moi supporter mon sort, je ne te l'ai déjà que trop fait partager. » Voilà mes mains, répondit Tchelouta. Qu'on les charge de fer, que l'on me force comme à Dario à labourer le sillon. Je serai heureuse si René est à mes côtés. Prends pitié de ta fille, je l'ai portée dans mon sein. Permets que je te suive comme ton esclave, comme la femme noire des Blancs. Me refuseras-tu cette grâce ? Cette scène commençait à attendrir la foule impitoyable qui, un moment auparavant, trouvait la sentence trop douce et qui aurait salué avec des hurlements de joie le supplice de René. Le commissaire chargé de faire exécuter l'arrêt du conseil ordonne de séparer les deux époux et de continuer la marche. Mais un sauvage, se courbant et passant sous le ventre des chevaux, se réunit au couple infortuné et s'écrie « Me voici encore, je l'ai sauvé des Illinois, je le sauverai bien de vos mains, guerrier de la chair blanche. »« C'est vrai, » dit Mila, sortant à son tour de la foule, « et si Jacques était ici, dit une vieille femme, tout cela ne serait pas arrivé. » Forcés à regret d'obéir, les militaires écartèrent Tchelouta, Mila, Outougamiz et la mère de Jacques. René est conduite au rivage du Mechasebe. La chaloupe de la frégate, que montaient 12 forts matelots et que gardaient des soldats de marine, attendait le prisonnier. On l'y fait entrer. Au coup du sifflet du pilote, les 12 matelots enfoncent à la fois leurs rames dans le fleuve. La chaloupe glisse sur les vagues comme la pierre aplatie qui, lancée par la main d'un enfant, frappe le flot, se relève, bondit et rebondit en effleurant la surface de l'onde. Tchelouta était traînée sur le quai. Une frégate était mouillée au milieu du Mechasebe, virée à pic sur une ancre, elle plongeait un peu la proue dans le fleuve. Son pavillon flottait au grand mât, ses voiles étaient à demi déferlées, on apercevait des matelots sur toutes les vergues et de grands mouvements sur le pont. La chaloupe accoste le vaisseau, tous ceux qui étaient dans cette chaloupe montent à bord. La chaloupe elle-même est enlevée et suspendue à la poupe du bâtiment. Une lumière et une fumée sortent soudain de la frégate, et le coup de canon du départ retentit. De longues acclamations y répondent du rivage. Chélouta avait aperçu René. Elle tombe, évanouie, sur des balles de marchandises qui couvraient le quai. Ce fut alors qu'un sauvage s'élança dans le Mechasebe, s'efforçant de suivre à la nage le vaisseau qui fuyait devant une forte brise, tandis qu'une indienne se débattait entre les bras de ceux qui la retenaient pour l'empêcher de se précipiter dans les flots. Un murmure lointain se fait entendre. Il approche. La foule, qui commençait à se disperser, se rassemble de nouveau. Voici venir un officier qui disait à ses soldats « Où est-elle? Où est-elle ?» Il répondait « Ici, mon capitaine », lui montrant Tchelouta sur les ballots. D'Artaguette se précipite aux genoux de Tchelouta. « Femme, s'écria-t-il, que ton âme, au séjour de paix qu'elle habite, reçoive les vœux de celui qui te doit la vie, et que tu honorais du nom de frère. » À ces paroles, les soldats mettent un genou en terre comme leur capitaine. La multitude, emportée par ce sentiment du beau qui touche quelquefois les âmes les plus communes, se prosterne à son tour et prie pour l'Indienne. Le bruit du fleuve qui battait ses rives accompagnait cette prière, et la main de Dieu pesait sur la tête de tant d'hommes involontairement humiliés aux pieds de la vertu. Tchelouta ne donnait aucun signe de vie. La profonde léthargie dans laquelle elle était plongée ressemblait absolument à la mort. Mais sa fille vivait sur son sein et semblait communiquer quelque chaleur au cœur de sa mère. L'épouse de René avait la tête penchée sur le front d'Amélie, comme si, en voulant donner un dernier baiser à son enfant, elle eût expiré dans cet acte maternel. En ce moment, on vint dire à D'Artaguette qu'il y avait là tout auprès une autre indienne qui ne cessait de pleurer. « C'est Mila, s'écria le capitaine, qu'on lui dise mon nom, et elle va venir. » Les soldats apportent dans leurs bras Mila échevelée, le visage meurtri, les habits déchirés. Elle n'eut pas plus tôt reconnu D'Artaguette qu'elle se jeta dans son sein, s'écriant « C'est lui qui est une bonne chair blanche, il ne m'empêchera pas de mourir. » Et suspendant ses bras au cou du capitaine, elle se serrait fortement contre lui. Mais tout à coup, elle aperçoit Tchelouta, elle quitte D'Artaguette, se précipite sur son ami en disant « Tchelouta, ma mère, meilleure que ma mère, cœur d'Outougamise, femme de René, voici Mila, elle est seule. Comment vais-je faire pour enterrer tes os, car tu n'es pas au Natchez? Il n'y a ici que des méchants qui n'entendent rien au tombeau. » Les soldats firent alors un mouvement, ils répétaient tous ces mots « Entrez, entrez, notre mère ». Et la mère de Jacques, avec sa cornette blanche, son manteau d'écarlate et sa béquille, s'avança dans le cercle des grenadiers. « Mon capitaine, dit-elle à D'Artaguette, voici la mère de Jacques, qui vient aussi voir ce que c'est que tout ceci. Je suis bien vieille pourtant, comme dit le conseiller Harlet, qui est un honnête homme, et Dieu soit loué, car il n'y en a guère. » La vieille, avisant Tchelouta, « Bon Dieu, n'est-ce pas là la jeune femme à qui j'ai donné à manger cette nuit, comme elle parlait de vous, mon capitaine ?» « Pauvre vieille créature, dit D'Artaguette, seule, dans toute une ville, recevoir, réchauffer, nourrir Tchelouta, et toi-même nourrie de la paix de ce digne soldat ?» La mère de Jacques examina attentivement Tchelouta. Elle prit une de ses mains. « Retire-toi, matrone blanche, lui dit Mila, tu ne sais pas pleurer. »« Je le sais aussi bien que toi, repartit en Natchez la vénérable française. « Magicienne, s'écria Mila effrayée, qui t'a appris la langue des chairs rouges ?» « Capitaine, dit la mère de Jacques, sans écouter Mila, cette jeune femme n'est pas morte. Vite, du secours !» Millevoix répète, « Elle n'est pas morte !» Tchelouta donnait en effet quelques signes de vie. « Allons, grenadier, dit la vieille, à qui on laissait tout faire. Il faut sauver cette femme qui a sauvé votre capitaine. Portons la mère et l'enfant chez le général D'Artaguette. » Un dragon prêta son manteau. On y coucha Tchelouta. Mila prit dans ses bras la petite Amélie et ne pleurait plus qu'Outougamise et René. Des soldats, soulevant le manteau par les quatre coins, enlevèrent doucement la fille de Tabamika. Le cortège se mit en marche. Le soleil qui se couchait couvrait d'un réseau d'or les savanes et la cime aplatie des cyprières sur la rive occidentale du fleuve. Sur la rive orientale, la métropole de la Louisiane opposait ses vitrages étincelants au dernier feu du jour. Les clochers s'élevaient au-dessus des ondes comme des flèches de feu. Le Mechasebe roulait entre ces deux tableaux, ces vagues de roses, tandis que les pirogues des sauvages et les vaisseaux des Européens présentaient au regard leurs mâts ou leurs voiles teints de la pourpre du soir. Déposée sur une couche, dans un salon de l'habitation du frère du capitaine D'Artaguette, Tchelouta ne parlait point encore. Ses yeux entr'ouverts étaient enveloppés d'une ombre qui leur dérobait la lumière. Des cris prolongés de « Vive le roi !» se font entendre au dehors. La porte de la salle s'ouvre avec fracas. Le grenadier Jacques, tête nue, sans habit, les reins serrés d'une forte ceinture, paraît. « Les voici, dit-il. » René entre avec Outougamiz. Personne ne pouvait parler dans le saisissement de l'étonnement et de la joie. « Mon capitaine, reprit le grenadier, adressant la parole à d'Artaguet, j'ai exécuté vos ordres, mais on m'a remis les paquets trop tard. La frégate était partie. J'ai couru le plus vite que j'ai pu à travers le marais afin de la rejoindre au grand détour. Heureusement, elle avait été obligée de laisser tomber l'ancre, le vent étant devenu contraire. Je me suis jeté à la nage pour aller à bord et j'ai rencontré au milieu du fleuve ce terrible sauvage que j'avais vu au combat du fort Rosalie. Il était prêt à se noyer quand je suis arrivé à lui. » Mila a volé dans les bras d'Outougamiz. René est auprès de Tchelouta. Jacques soutient sa vieille mère qui lui essuie le front et les cheveux. Adélaïde et Harley se viennent joindre à leurs amis. Tchelouta commençait à faire entendre quelques paroles inarticulées d'une douceur extrême. « Elle vient de la patrie des anges, dit le capitaine. Elle en a rapporté le langage. » Mila, qui regardait Adélaïde, disait « C'est Tchelouta, ressuscitée en femme blanche. » Tous les cœurs étaient pleins des plus beaux sentiments. La religion, l'amour, l'amitié, la reconnaissance se mêlaient à ce soulagement qui suit une grande douleur passée. Ce n'était pas, il est vrai, un retour complet au bonheur, mais c'était un coup de soleil à travers les nuages de la tempête. L'âme de l'homme, si sujette à l'espérance, saisissait avec avidité ce rayon de lumière. Hélas, trop rapide. Tout le monde pleure encore, disait Mila, mais c'est comme si l'on riait. Ces rencontres, en apparence si mystérieuses, s'expliquaient avec une grande simplicité. Le capitaine d'Artaguet avait tour à tour sauvé et délivré au fort Rosalie, René, Tchelouta, Mila et Outougamiz. Tchelouta, Mila et Outougamiz avaient suivi René à la Nouvelle-Orléans, tous trois entraînés par le dévouement au malheur, tous trois arrivés à quelques heures de distance les uns des autres pour se mêler à des scènes de deuil et d'oppression. D'une autre part, Hondouré s'était vu au moment d'être pris dans ses propres pièges. S'il avait désiré une attaque de Shepard contre Adario et Chactas, pour se délivrer du joug de ces deux vieillards, il ne s'attendait pas à la scène que produisit l'esclavage du premier Sachem. Il craignit que ces violences, en amenant une rupture trop prompte entre les Français et les sauvages, ne fissent avorter tout son plan. Dans cette extrémité, l'édile, fécond en ressources, se hâta d'offrir l'abandon des terres pour le rachat de la liberté d'Adario. Shepard accepta l'échange et d'Artaguet fut chargé de porter la convention à la Nouvelle-Orléans. Le capitaine arriva à l'instant même où le conseil venait de prononcer la sentence contre René. D'Artaguet, après avoir annoncé au gouverneur la pacification des troubles, réclama le prisonnier comme son ami et comme son frère. Il montra des lettres d'Europe qui prouvaient que René tenait à une famille puissante. Cette découverte agit plus que toute autre considération sur un homme à la fois prudent et ambitieux. « Si vous croyez, dit le gouverneur au capitaine, qu'on a trop précipité cette affaire, il est encore temps d'envoyer un contre-ordre, mais qu'on ne me parle plus de ce René en faveur duquel Harley et Adélaïde n'ont cessé de m'importuner depuis 3 jours. » La cédule pour l'élargissement du prisonnier fut signée, mais délivrée trop tard, elle serait devenue inutile sans le dévouement du grenadier Jacques. Le capitaine avait amené avec lui ce fidèle militaire. Tandis que celui-ci suivait la frégate, d'Artaguet, instruit de toutes les circonstances de l'apparition de Tchelouta, de Mila et d'Outougamiz, s'empressa de chercher ses infortunés. Il fut ainsi conduit par les soldats au lieu où il trouva Tchelouta expirante. Le bonheur, ou ce qui semblait être le bonheur, comparé aux maux de la veille, rendit à l'épouse de René, sinon toutes ses forces, du moins tout son amour. Le capitaine d'Artaguet et le général, son frère, se proposèrent de donner à leurs amis une petite fête, bien différente de celle qu'avait entrevue Tchelouta au palais du gouverneur. Adélaïde et Harley y furent invités les premiers. Jacques et sa mère étaient du nombre des convives. La riante villa du général avait été livrée à ses hôtes, et Mila et Outougamiz s'en étaient emparés comme de leur cabane. Le simple couple n'avait pas plus tôt vu tout le monde heureux qu'il ne s'était plus souvenu de personne. Après avoir parcouru les appartements et s'être miré dans les glaces, Il s'était retiré dans un cabinet rempli de toutes les parures d'une femme. « Eh bien, dit Mila, que penses-tu de cette grande hutte ?»« Moi, dit Outougamiz, je n'en pense rien. » « Comment tu n'en penses rien ?» répliqua Mila en colère. « Écoute, dit Outougamiz, tu parles maintenant comme une chair blanche, et je ne t'entends plus. Tu sais que je n'ai point d'esprit. Quand René est fait prisonnier par les Illinois ou par les Français, je m'en vais le chercher. Je n'ai pas besoin de penser pour cela. Je ne veux point penser du tout, car je crois que c'est là le mauvais Manitou de René. « Outougamiz, dit Mila en croisant les bras et s'asseyant sur le tapis, tu me fais mourir de honte parmi toutes ces chairs blanches. Il faut que je te remène bien vite. J'ai fait là une belle chose de te suivre. Que dira ma mère? Mais tu m'épouseras, n'est-ce pas ?»« Sans doute, dit Outougamiz, mais dans ma cabane, et non pas dans cette grande vilaine hutte, as-tu vu ce sachem à la robe noire qui était pendu au mur, qui ne remuait point et qui me suivait toujours des yeux ?» Un portrait, note de l'auteur. « C'est un esprit, répondit Mila, la grande salle où je me voyais quatre fois, des glaces, note de l'auteur, me plaît assez. Elle n'est cependant bonne que pour les blancs, chez lesquels il y a plus de corps que d'âme. N'est-ce pas de la salle des ombres dont tu veux parler ? Dit Outougamiz. Elle ne me plaît point du tout à moi. Je voyais plusieurs Mila, et je ne savais laquelle aimer. Retournons à nos bois, nous ne sommes pas bien ici. Tu as raison, dit Mila, et j'ai peur d'être jugée comme René. « Comment juger ? » s'écria Outougamiz. « Bon, repartit Mila, est-ce que je ne t'aime pas ? Est-ce que je n'ai pas pitié de ceux qui souffrent ? Est-ce que je ne suis pas juste, belle, noble, désintéressée ? N'en voilà-t-il pas assez pour me faire juger et mourir, puisque c'est pour cela qu'il voulait casser la tête à René ?»« Partons, Mila, dit Outougamiz. Léger nuage de la lune des fleurs, le matin ne te colorerait point ici dans un ciel bleu, tu ne répandrais point la rosée sur l'herbe du vallon, tu ne te balancerais point sur les brises parfumées. Sous le ciel nébuleux des chairs blanches, tu demeurerais sombre. La pluie de l'orage tomberait de ton sein, et tu serais déchiré par le vent des tempêtes. » Mila se souvint que l'heure du festin approchait. On lui avait dit que tout ce qui était dans le cabinet était pour elle. Elle se plaça devant une glace, essayant les robes qu'elle ne savait comment arranger. Elle finit cependant par se composer avec des voiles, des plumes, des rubans et des fleurs, un habillement que n'aurait pas repoussé la Grèce. Suivie d'Outougamiz, avec un mélange d'orgueil et de timidité, elle se rendit à la salle du festin. Chelouta était aussi parée, mais parée à la manière des Indiennes. Elle avait refusé un vêtement européen malgré les prières d'Adélaïde. Sur un lit de repos, elle recevait les marques de bienveillance qu'on lui prodiguait, avec une confusion charmante, mais sans cet air d'infériorité que donne chez les peuples civilisés une éducation servile. Elle n'avait au visage que cette rougeur que les bienfaits font monter d'un cœur reconnaissant sur un front ouvert. Mila fit la joie du festin. Tous les yeux étaient fixés avec admiration sur Outougamiz, dont René avait raconté les miracles. « Comme il ressemble à sa sœur !» disait Adélaïde, qui ne se lassait point de le regarder. « Quel frère et quelle sœur » répétait-elle. À ces noms de frère et de sœur, René avait baissé la tête. Mila, la blanche, dit la future épouse d'Outougamiz à Adélaïde, « Tu ris, mais j'ai cependant noué ma ceinture aussi bien que toi. » René servait d'interprète. Adélaïde fit demander à Mila pourquoi elle l'appelait Mila, la blanche. Mila posa la main sur le cœur de Harley, son voisin, ensuite sur celui d'Adélaïde, qui rougissait, et elle se prit à rire. « Bon, s'écria-t-elle, demande-moi encore pourquoi je t'appelle Mila, la blanche. Voilà comme je rougis quand je regarde Outougamiz. » On ne brise point la chaîne de sa destinée. Pendant le repas, d'Artaguette reçut une lettre du fort Rosalie. Cette lettre, écrite par le père Souël, momentanément revenu au Natchez, avertissait le capitaine qu'une nouvelle dénonciation contre René venait d'être envoyée au gouverneur général, que malgré la délivrance d'Adario, on conservait de grandes inquiétudes, que divers messagers étaient partis des Natchez dans un dessein inconnu. Condouret accusait Chactas et Adario de l'envoi des messagers, tandis qu'il était probable que ces négociations secrètes avec les nations indiennes étaient l'œuvre même d'Andouret et de la femme chef. Le père Souël ajoutait que si René avait été rendu à la liberté, il lui conseillait de ne pas rester un seul moment à la Nouvelle-Orléans, où ses jours ne lui paraissaient pas en sûreté. D'Artaguette, après le repas, communiqua cette lettre à René et l'invita à retourner sur le champ au Natchez. Moi-même, dit-il, je partirai incessamment pour le fort Rosalie. Ainsi, nous allons bientôt nous retrouver. Quant à Tchilouta, vous n'avez plus rien à craindre. Il lui serait impossible dans ce moment de vous suivre. Mais mon frère, Adélaïde et Harley lui serviront de famille. Lorsqu'elle sera guérie, elle reprendra le chemin de son pays. Vous la pourrez venir chercher vous-même, à quelque distance de la Nouvelle-Orléans. René voulait apprendre son départ à Tchilouta. Le médecin s'y opposa, disant qu'elle était hors d'état de soutenir une émotion violente et prolongée. Le capitaine se chargea d'annoncer à sa sœur indienne la triste nouvelle quand René serait déjà loin. Il se flattait de rendre le coup moins rude par toutes les précautions de l'amitié. Avant de quitter la Nouvelle-Orléans, le frère d'Amélie remercia ses hôtes, Jacques et sa mère, le général d'Artaguet, Adélaïde et Harley. « Je suis sans doute, leur dit-il, un homme étrange à vos yeux, mais peut-être que mon souvenir vous sera moins pénible que ma présence. » René se rendit ensuite auprès de sa femme. Il la trouva presque heureuse. Elle tenait son enfant endormi sur son sein. Il serra la mère et la fille contre son cœur avec un attendrissement qui ne lui était pas ordinaire. Reverrait-il jamais Tchilouta? Quand et dans quelles circonstances la reverrait-il? Rien n'était plus déchirant à contempler que ce bonheur de Tchilouta. Elle en avait si peu joui. Elle semblait le goûter au moment d'une séparation qui pouvait être éternelle. L'Indienne elle-même, effrayée des étreintes affectueuses de son mari, lui dit « Me faites-vous des adieux ?» Le frère d'Amélie ne lui répondit rien. Malheur à qui était pressé dans les bras de cet homme. Il étouffait la félicité. Dès la nuit même, René quitta la Nouvelle-Orléans avec Outougamiz et Mila. Ils remontèrent le fleuve dans un canot indien. En arrivant au Natchez, un spectacle inattendu se présenta à leurs regards. Des colons poussaient tranquillement leur défrichement jusqu'au centre du grand village et autour du temple du soleil. Des sauvages les regardaient travailler avec indifférence et semblaient avoir abandonné à l'étranger la terre où reposaient les os de leurs aïeux. Les trois voyageurs virent Adario qui passait à quelque distance. Ils coururent à lui. Au bruit de leurs pas, le sachem tourna la tête et fit un mouvement d'horreur en apercevant le frère d'Amélie. Le vieillard frappa dans la main de son neveu, mais refusa de prendre la main du mari de sa nièce. René venait d'offrir sa vie pour acheter celle d'Adario. « Mon oncle, dit Outougamiz, veux-tu que je casse la tête à ces étrangers qui sèment dans le champ de la patrie ?»« Tout est arrangé, répondit Adario d'une voix sombre, et il s'enfonça dans un bois. Outougamiz dit à Mila, « Les sachems ont tout arrangé. Il ne reste plus à faire que notre mariage. » Mila retourna chez ses parents, dont elle eut à soutenir la colère. Elle les apaisa en leur apprenant qu'elle allait épouser Outougamiz. René se rendit à la cabane de Chactas. Le sachem était au moment de partir pour une mission près des Anglais de la Géorgie. Devenu le maître de la nation, Ondouré avait dérobé à Chactas la connaissance d'un projet que la vertu de ce sachem eût repoussé. Il éloignait l'homme vénérable afin qu'il ne se trouvât pas au conseil général des Indiens, où le plan du conspirateur devait être développé. Le noble et incompréhensible René garda avec Chactas et le reste des Natchez un profond silence sur ce qu'il avait fait pour Adario. Il ne lui resta de sa bonne action que les dangers auxquels il s'était exposé. Le frère d'Amélie se contenta de parler à son père adoptif de la surprise qu'il avait éprouvée en voyant les Français promener leurs charrues aux environs des bocages de la mort. Le vieillard apprit à René que cet abandon des terres était le prix de la délivrance d'Adario. Chactas ne connaissait pas la profondeur des desseins d'Ondouré. Il ignorait que la concession des champs des Natchez avait pour but de séparer les colons les uns des autres, de les attirer au milieu du pays ennemi et de rendre ainsi leur extermination plus facile. Par cette combinaison infernale, Ondouré, en délivrant Adario, gagnait l'affection des Natchez, de même qu'il obtenait la confiance des Français en leur payant la rançon d'Adario, rançon qui leur devait être si funeste. « Au reste, dit Chactas à René, les sachems ont commandé une longue absence. Ils prétendent que mon expérience peut être utile dans une négociation avec les Européens. Mon grand âge et ma cécité ne peuvent servir de prétexte pour refuser cette mission. Plus on me suppose d'autorité, plus je dois l'exemple de la soumission, à une époque où personne n'obéit. Que ferais-je ici? Le grand chef a disparu, le malheur a rendu Adario intraitable, ma voix n'est plus écoutée, Une génération indocile s'est élevée et méprise les conseils des vieillards. On se cache de moi, on me dérobe des secrets. Puisse-t-il ne pas causer la ruine de ma patrie ? Toi, René, conserve ta vie pour la nation qui t'a adopté. Écarte de ton cœur les passions que tu te plais à y nourrir. Tu peux voir encore d'heureux jours. Moi, je touche au terme de la course. En achevant mon pèlerinage ici-bas, je vais traverser les déserts où je l'ai commencé, ces déserts que j'ai parcourus il y a 60 ans avec Atala. Séparé de mes passions et de mes premiers malheurs par un si long intervalle, mes yeux fermés ne pourront pas même voir les forêts nouvelles qui recouvrent mes anciennes traces et celles de la fille de Lopez. Rien de ce qui existait au moment de ma captivité chez les Muscogulges n'existe aujourd'hui. Le monde que j'ai connu est passé. Je ne suis plus que le dernier arbre d'une vieille futaie tombée, arbre que le temps a oublié d'abattre. René sortit de chez son père le cœur serré et présageant de nouveaux malheurs. Arrivé à sa cabane, il la trouva dévastée. Il s'assit sur une gerbe de roseaux séchés dans un coin du foyer dont le vent avait dispersé les cendres. Pensif, il rappelait tristement ses chagrins dans sa mémoire lorsqu'un nègre lui apporta une lettre de la part du père Souël. Ce missionnaire était encore retenu pour quelques jours au Fort Rosalie. La lettre venait de France, elle était de la supérieure du couvent de... Elle apprenait à René la mort de la sœur Amélie de la Miséricorde. Cette nouvelle, reçue dans une solitude profonde, au milieu des débris de la cabane abandonnée de Chelouta, réveilla au fond du cœur du malheureux jeune homme des souvenirs si poignants qu'il éprouva pendant quelques instants un véritable délire. Il se mit à courir à travers les bois comme un insensé. Le père Souël, qui le rencontra, s'empressa d'aller chercher chaque tasse. Le sage vieillard et le grave religieux parvinrent un peu à calmer la douleur du frère d'Amélie. À force de prières, le sachem obtint de la bouche de l'infortuné un récit longtemps demandé en vain. René prit jour avec chaque tasse et le père Souël pour leur raconter les sentiments secrets de son âme. Il donna le bras au sachem qu'il conduisit, au lever de l'aurore, sous un sassafras, au bord du Metchasebé. Le missionnaire ne tarda pas à arriver au rendez-vous. Assis entre ses deux vieux amis, le frère d'Amélie leur révéla la mystérieuse douleur qui avait empoisonné son existence. Ici se trouvait le récit de René. Voyez l'épisode de René, note de l'auteur. Quelques jours après cette confession déplorable, René fut mandé au conseil des Natchez. Chactas était parti pour la Géorgie. Le père Souël avait repris le chemin de sa mission. René trouva quelques sachems, presque tous parents d'Akansi, assemblés dans la cabane du jeune soleil. Ondouré était à leur tête, ils rayonnaient de la joie du crime. Les vieillards, fumant leur calumet dans un profond silence, reçurent le mari de Tchelouta avec un visage menaçant. « Prends ces colliers, lui dit Ondouré d'un air moqueur. Va traiter avec les Illinois. Tu fus la cause de la guerre, beau prisonnier. Sois l'instrument de la paix. » Qu'importaient aux frères d'Amélie ces insultes ? Qu'était-ce que ces peines communes auprès des chagrins qui rongeaient son cœur ? Il prit les colliers et sortit en déclarant qu'il obéirait aux ordres des sachems. Dans la disposition où se trouvait alors René, ce n'était pas sans un amer plaisir qu'il se voyait obligé à s'éloigner de Tchelouta. Il la supposait au moment de revenir aux Natchez. Une course solitaire parmi les déserts convenait encore en ce moment aux frères d'Amélie. Il se pourrait du moins livrer à sa douleur sans être entendu des hommes. Il ne chercha point son frère, alors occupé de son mariage avec Mila. Il était trop juste que, pour tant de courage et de sacrifice, Outugamis jouit d'une lueur de félicité. Il entrait dans les précautions d'Ondouré d'éloigner le guerrier blanc. Il craignait que celui-ci, demeuré au Natchez, ne démêlât quelque chose des trames ourdies. Le tuteur du soleil désirait encore que Tchelouta, à son retour de la Nouvelle-Orléans, se trouvât seule, afin qu'elle pût être livrée sans défense aux persécutions d'un détestable amour. Ce chef avait calculé le temps que devait durer le voyage du frère d'Amélie. Selon le calcul de la jalousie et de la vengeance, René ne pouvait revenir au Natchez que quelques jours avant la catastrophe. Assez tôt pour y être enveloppé, trop tard pour la prévenir. Furieux d'avoir vu sa proie échapper à ses derniers pièges, Ondouré s'était abandonné à de nouvelles calomnies contre le fils adoptif de Chactas. Dans un conseil assemblé la nuit sur les décombres de la cabane d'Adario, le tuteur du soleil avait dépeint René comme l'auteur de tous les maux de la nation. Remontant jusqu'au jour de l'arrivée de l'étranger au Natchez, il avait rappelé les présages sinistres qui signalèrent cette arrivée, la disparition du serpent sacré, le meurtre des femelles de Castor, la guerre contre les Illinois, suite de ce meurtre, et la mort du vieux soleil, résultat de cette guerre. Ondouré chargeait ainsi l'innocence de ses propres iniquités. Entrant dans la vie privée de son rival, le chef parla de la prétendue infidélité de René envers Tchelouta, du maléfice du baptême employé pour faire périr un enfant devenu odieux à un père criminel. Il parla du Manitou funeste donné à Otougamiz pour altérer la raison du naïf sauvage. Ondouré représenta les liaisons du frère d'Amélie et du capitaine d'Artaguet comme la première cause de toutes les trahisons et de toutes les violences des Français. Quant aux persécutions que cet homme semble essuyer de ses compatriotes, ajouta-t-il, ce n'est évidemment qu'un jeu entre des conspirateurs. Remarquez que René échappe toujours à ces persécutions apparentes. Il n'a point été pris au Natchez avec Adario. Sous le prétexte de délivrer ce sachem, il est allé rendre compte à la Nouvelle-Orléans de ce qui se passait au Fort Rosalie. On a faim de juger le mari de Tchelouta, mais la preuve que ce n'était qu'un vain appareil déployé pour nous donner plus de confiance dans un traître, c'est que ce traître n'a point subi sa sentence, et qu'à la grande surprise des Français eux-mêmes, il est revenu sain et sauf au Natchez. Vous ne douterez pas un moment des pernicieuses intrigues de ce misérable, si vous observez son inclination à errer seul dans les bois. Il craint que sa conscience ne se montre sur son visage. Il se dérobe au regard des hommes. Ondouré obtint un succès complet. Le conseil fut convaincu. Comment ne l'aurait-il pas été ? Quelle liaison dans les faits ? Quelle vraisemblance dans les accusations ? Tout se transforme en crime. Pas un sourire qui ne soit interprété, pas une démarche qui n'ait un but. Les sentiments que René inspire deviennent des sujets de calomnie. S'il a sauvé Mila, c'est qu'il l'a séduite. S'il a fait Otougamiz le modèle d'une amitié sublime, c'est qu'il a jeté un sort à ce simple jeune homme. Des rapports d'estime avec d'Artaguette sont une trahison. Un acte religieux est un infanticide. Un noble dévouement pour un sachem est une basse délation. Les persécutions, les souffrances même, ne sont que des moyens de tromper. Et si René cherche la solitude, c'est qu'il y va cacher des remords ou méditer des forfaits. Dieu Tout-Puissant, quelle est la destinée de la créature lorsque le malheur s'attache à ses pas ? Quelle lumière as-tu donnée aux mortels pour connaître la vérité ? Quelle est la pierre de touche où l'innocence peut laisser sa marque d'or ? Les sachems déclarèrent que René méritait la mort et qu'il se fallait saisir du perfide. Ondouré loua le vertueux courroux des sachems, mais il soutint qu'il était prudent de ne sacrifier le principal coupable qu'avec les autres coupables, une mort prématurée et isolée pouvant faire avorter le plan général. Il proposa donc d'éloigner seulement René jusqu'au jour où le grand coup serait frappé. Le jongleur déclara que telle était la volonté des génies. Le conseil adopta l'opinion d'Ondouré. L'intégrité d'Adario avait elle-même été surprise. L'erreur dans laquelle il était fut la cause des regards farouches qu'il lança au frère d'Amélie lorsque celui-ci revint de la Nouvelle-Orléans. Si les Indiens rencontraient l'homme blanc dans les bois, ils se détournaient de lui comme d'un sacrilège. René, qui ne voyait rien, qui n'entendait rien, qui ne se souciait de rien, partit pour le pays des Illinois, ignorant que la sentence de mort dont les juges civilisés l'avaient menacé à la Nouvelle-Orléans avait été prononcée contre lui au Natchez par des juges sauvages. On voit quelquefois, à la fin de l'automne, une fleur tardive. Elle sourit seule dans les campagnes et s'épanouit au milieu des feuilles séchées qui tombent de la cime des bois. Ainsi, les amours de Mila et d'Outougamiz répandaient un dernier charme sur des jours de désolation. Avant de demander la jeune fille en mariage, le frère de Tchelouta se conforma à la coutume indienne, appelée l'épreuve du flambeau. Éteindre le flambeau qu'on lui présente, c'est pour une vierge donner son consentement à un hymen projeté. Outougamiz, tenant une torche odorante à la main, sortit au milieu de la nuit. Les brises agitaient les rayons d'or de l'étoile amoureuse, comme on raconte que les zéphyrs se jouaient à Paphos dans la chevelure embaumée de la mère des Grâces. Le jeune homme entrevoit le toit de sa maîtresse, des craintes et des espérances soulèvent son sein. Il s'approche, il relève l'écorce suspendue devant la porte de la cabane de Mila et se trouve dans la partie même de cette cabane où l'Indienne dormait seule. La jeune fille était couchée sur un lit de mousse. Un voile d'écorce de mûrier se roulait en écharpe autour d'elle. Ses bras nus reposaient croisés sur la tête et ses mains avaient laissé tomber des fleurs. Un pied tendu en arrière, le corps penché en avant, Outogamis contemplait à la lueur de son flambeau la scène charmante. Agité par les illusions d'un songe, Mila murmure quelques mots. Un sourire se répand sur ses lèvres. Outogamis croit distinguer son nom dans des paroles à demi formées. Il s'incline au bord de la couche, prend une branche de jasmin des Florides échappée à la main de Mila, et réveille la fille des bois en passant légèrement sur sa bouche virginale la fleur parfumée. Mila s'éveille, fixe des regards effrayés sur son amant, sourit, reprend son air d'épouvante, sourit encore. « C'est moi, s'écrie Outogamis, moi, le frère de Tchelouta, le guerrier qui veut être ton époux. » Mila hésite, avance ses lèvres pour éteindre la torche de l'hymen, retire la tête avec précipitation, rapproche encore sa bouche du flambeau. La nuit s'étend dans la cabane. Quelques instants de silence suivirent l'invasion des ombres. Outogamis dit ensuite à Mila, « Je t'aime comme la lumière du soleil. Je veux être ton frère. « Et moi, ta sœur, répondit Mila. Tu deviendras mon épouse, continua l'ami de René. Un petit guerrier te sourira, tu baiseras ses yeux, tu lui chanteras les exploits de ses pères, tu lui apprendras à prononcer le nom d'Outogamis. Tu me fais pleurer, répondit Mila. Moi, je t'accompagnerai dans les forêts, je porterai tes flèches et j'allumerai le bûcher de la nuit. » La lune descendait alors à l'occident. Un de ses rayons, pénétrant par la porte de la hutte, vint tomber sur le visage et sur le sein de Mila. La reine des nuits se montrait au milieu d'un cortège d'étoiles. Quelques nuages étaient déployés autour d'elle comme les rideaux de sa couche. Dans les bois régnait une sorte de douteuse obscurité, semblable à celle d'une âme qui s'entr'ouvre pour la première fois aux tendres passions de la vie. Le couple heureux tomba dans un recueillement d'esprit involontaire. On n'entendait plus que le bruit de la respiration tremblante de la jeune sauvage. Mais bientôt, Mila, il faut nous quitter. L'oiseau de l'aube a commencé son premier chant. Retourne sans être aperçu à ta demeure. Si les guerriers te voyaient, ils diraient « Outogamis est faible. Les Illinois le prendront dans la bataille, car il fréquente la cabane des Indiennes. » Outogamis répondit « Je serai la liane noire qui se détourne dans la forêt de tous les autres arbres et qui va chercher le sassafras, auquel elle veut uniquement s'attacher. » Mila se couvrit la tête d'un manteau et dit « Guerrier, je ne te vois plus. » Outogamis enterra le flambeau nuptial à la porte de la cabane et s'enfonça dans les bois. Le mariage fut célébré avec la pompe ordinaire chez les sauvages. Les deux époux souffraient de cet appareil et se disaient « Nous ne nous marions pas pour être heureux, puisque nos amis ne le sont pas. » Laissés seuls, dans leur cabane nouvelle, ils y goûtèrent une joie digne de leur innocence. Ils pleurèrent aussi, comme ils en avaient fait le projet. Les larmes qui coulaient de leurs yeux descendaient jusqu'à leurs lèvres. Et Mila disait en recevant les embrassements d'Outogamis, « Ta bouche touche la mienne à travers les malheurs de René. » Hélas, le fidèle Indien allait verser bien d'autres pleurs. Ce n'était pas assez pour le tuteur du soleil d'avoir perdu le frère d'Amélie auprès de la foule, de l'avoir fait condamner au conseil des vieillards. Il le voulait frapper jusque dans le cœur d'un ami. Le succès des complots d'Ondougré exigeait qu'Outogamis assistât à la grande assemblée des sauvages, où le plan général devait être développé. Si Outogamis était absent de cette assemblée, il ne porterait point le joug du serment que l'on y devait prononcer. Il pourrait dans ce cas s'opposer au complot à l'instant de l'exécution. Si Outogamis ne croyait pas René coupable de trahison envers les Natchez, rien n'empêcherait le frère de Tchelouta, aussitôt qu'il connaîtrait le secret, de le confier au frère d'Amélie. Il fallait donc, combinaison digne de l'enfer, qu'Outogamis fût enchaîné par un serment, et que, persuadé en même temps du crime de René, il se trouva placé entre la nécessité de perdre son ami pour sauver sa patrie, ou de perdre sa patrie pour sauver son ami. Fin de la section 15.